Job chapitre 16. Mais Job répondit, et dit, j'ai souvent entendu de pareils discours, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. N'y aura-t-il point de fin à des paroles légères comme le vent, et de quoi te fais-tu fort pour répliquer ainsi? Parlerais-je comme vous faites, si vous étiez en ma place? Ramasserais-je des paroles contre vous, ou branlerais-je ma tête contre vous? Je vous fortifierais par mes discours, et le mouvement de mes lèvres soulagerait votre douleur. Si je parle, ma douleur n'en sera point soulagée, et si je me tais, qu'en aurai-je moins? Certes, il m'a maintenant accablé, tu as désolé toute ma troupe. Tu m'as tout couvert de rides, qui sont un témoignage des maux que je souffre, et il s'est élevé en moi une maigreur qui en rend aussi témoignage sur mon visage. Sa fureur m'a déchiré, il s'est déclaré mon ennemi, il grince les dents sur moi, et étant devenu mon ennemi, il étincelle des yeux contre moi. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils me donnent des soufflets sur la joue pour me faire outrage, ils s'amassent ensemble contre moi. Le Dieu fort m'a renfermé chez l'injuste, il m'a fait tomber entre les mains des méchants. J'étais en repos, et il m'a écrasé, il m'a saisi au collet, et m'a brisé, et il s'est fait de moi une butte. Ses archers m'ont environné, ils me percent les reins, et ne m'épargnent point, il répand mon fiel par terre. Il m'a brisé en me faisant plaie sur plaie, il a couru sur moi comme un homme puissant. J'ai cousu un sac sur ma peau, et j'ai terni ma gloire dans la poussière. Mon visage est couvert de boue à force de pleurer, et une ombre de mort est sur mes paupières. Quoiqu'il n'y ait point d'iniquité en mes mains, et que ma prière soit pure. Ô terre, ne cache point le sang répandu par moi, et qu'il n'y ait point de lieu pour mon cri. Mais maintenant voilà, mon témoin est aux cieux, mon témoin est dans les lieux hauts. Mes amis sont des harangueurs, mais mon œil fond en larmes devant Dieu. Oh, si l'homme raisonnait avec Dieu, comme un homme avec son intime ami. Car les années de mon compte vont finir, et j'entre dans un sentier d'où je ne reviendrai plus.